François Morel, bonjour, c'est à vous. Bonjour, je ne dis pas que mon métier est le plus désagréable du monde. Chroniqueur à la radio une fois par semaine pendant 3 minutes 30 ne peut pas concurrencer en termes de pénibilité au travail, conducteur d'engins du BTP, métallier, ouvrier qualifié des travaux publics du béton et de l'extraction ou coiffeur visagiste de directrice de France Inter. Je ne dis pas non plus que c'est le métier le mieux payé du monde, mais il faut être juste et admettre avec honnêteté que ça laisse quand même pas mal de temps de libre si l'on considère qu'en gros, on embauche un jour à 8h57 et à 9h pétante, on peut partir en week-end. C'est pour ça que personnellement, avec mes émoluments de France Inter, j'attends tranquillement l'âge de la retraite qui, normalement, ne devrait pas trop tarder à arriver et qui donc ne va pas fondamentalement bouleverser mon emploi du temps. Ce qui est bien aussi, c'est que globalement, les gens ici sont plutôt gentils avec moi, voire souriant quand ce n'est pas affable. Il n'est pas rare que Juliette Acquius, par exemple, qui est quand même l'assistante de Nicolas Demorand, donc soumise au plus grand stress et qui sûrement un jour sera appelée aux plus hautes fonctions, me propose très aimablement... Bonsoir. Puis-je vous proposer un petit café ? Avec enthousiasme, je lui réponds « Oh oui, oui, je veux bien, avec plaisir. » Elle me demande... Parce que jusqu'au bout, elle est soucieuse de ma satisfaction. Vous voulez un sucre ? Oh, je lui rétorque. Bien sûr que non. Comment croyez-vous qu'après toutes ces années, j'ai réussi à conserver ce corps de rêve, si ce n'était pas le résultat d'une attention sans cesse maintenue ? Oh, fit-elle, baissant les yeux, vous me faites rougir. Ah oui, l'ambiance est bonne à France Inter. La semaine dernière, en plein direct, devant ce même micro, je me suis aperçu que j'avais les doigts pleins d'encre à cause d'un stylo qui avait coulé. C'est vérifiable sur les écrans vidéo, même si je ne peux plus demander à la caméra de Gilbert Larriaga de faire un gros plan, vu qu'il nous a quittés en début de mois. J'en profite pour saluer sa mémoire. Sonia De Villers, elle-même en personne, est allée chercher dans son sac un mouchoir humecté afin que je me nettoie les mains. Enfin, tout ça pour vous dire que je ne me plains pas de mes conditions de travail et que, tant qu'être employé par Radio France, je préfère mon poste à celui de responsable de la maintenance électronique avec contrôle des sauvegardes, des licences antivirus, système d'exploitation mise à jour et sécurisation des données, vu que certainement je maîtriserai moins bien le sujet. Mais commenter l'actualité pour tenter de la rendre un peu moins lugubre, c'est pas si facile. Par exemple, la montée des violences de toutes sortes, l'agressivité des beaufs dans la rue, sur les réseaux sociaux, le harcèlement des bobos, l'augmentation de 74% des actes antisémites en 2018, les boutiques juives taguées, les croix gammées sur les portraits de Simone Veil me font rire qu'à moitié et ne m'inspirent pas spécialement pour écrire des notations cocasses qui pourraient alléger l'ambiance. Bon, allez, faut pas me plaindre. À la fin de la phrase, j'aurai fini ma semaine. Merci. François Morel.